Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Petit détour par la Belgique, où nous retrouvons aujourd'hui Guylaine, une jeune maman de grande passionnée de musique. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi, c'est un plaisir de passer faire un coucou à nos voisins et amis belges. Dans un des épisodes de Coup de tête, nous parlions de toute l'importance de la prévention concernant certains facteurs de risque, des cancers de la tête et du cou, et en particulier l'alcool et le tabac. Mais il y a également un autre facteur de risque dont on parle un peu moins et qui peut causer des cancers de la sphère ORL tout aussi invalidants, c'est le HPV, autrement dit le papillomavirus. Et toi Guylaine, ce virus il a été retrouvé dans l'oropharynx sous sa forme la plus grave, le HPV-16, te déclarant un cancer à la base de la langue. Après une opération très douloureuse, 35 séances de radiothérapie et une cure de chimio qui ne s'est pas passée comme prévu, tu reprends aujourd'hui doucement des forces pour regagner ta vie, comprendre ce qui s'est passé et donner un sens à tout ça. Là où ce cancer t'a particulièrement impacté, c'est au niveau de ton travail, qui n'est autre que ta passion dans la vie. Chanteuse depuis ta tendre enfance dans un groupe de musique avec tes frères, tu as dû mettre tes projets musicaux entre parenthèses pour affronter ce long parcours du combattant. Mais hors de question pour toi d'y laisser ta voix ou ton oreille musicale, tu n'as pas dit ton dernier mot avec ce cancer. Et aujourd'hui, tu reprends même les études pour concrétiser ce projet professionnel musical dont tu veux nous parler. Donc merci beaucoup une nouvelle fois, Guylaine, de nous recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance et d'où ta passion pour la musique, elle est née ? Eh bien, on a fait beaucoup de musique quand on était enfant. On a été surtout invités par nos parents, mais nos parents chantaient dans un groupe de musique à l'époque. Et c'est eux qui nous ont proposé en fait, de nous inscrire au solfège, à la chorale, essayer tous les instruments possibles et imaginables. J'ai fait du piano, de la flûte à bec pendant 5 ans. J'ai fait du saxophone, j'ai fait de la flûte traversière. Enfin bon, j'ai fait plein de trucs. Mais c'est vrai que je suis toujours revenue, toujours à la voix. Et aujourd'hui, quand on me demande « c'est quoi ton instrument ?», je dis « c'est ma voix ». Et donc avec tes frères, vous avez créé un groupe de musique ? On a créé un groupe de musique avec mes frères depuis 5 ans. Mais en fait, on joue ensemble dans d'autres groupes aussi depuis bien plus longtemps que ça. Enfin, ça fait en gros 10 ans. Quoi. Par rapport à ce cancer, à quel moment il est apparu dans ta vie ? Alors ce cancer, il est apparu suite à mon dernier déménagement. Je suis arrivée dans un appartement avec ma fille où on s'est vraiment senti chez nous. Et ce cancer a été donc... à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était un cancer. Mais en tout cas, les premiers signes sont apparus en février de l'année dernière, donc 2023. Au moment où j'ai appris que j'avais que j'étais atteinte d'un cancer. Je venais de terminer ma 4e année d'études de pédagogie musicale. Donc il me restait un an. Sachant que c'est un cancer donc, de la sphère ORL qui a été déclaré, est-ce qu'à un moment tu as pu avoir peur des conséquences parce que bah, c'est directement lié à ton instrument de musique qui est la voix? C'est un des premiers trucs qui est venu, évidemment. J'ai vraiment pris la peine de discuter avec l'ORL qui m'a opéré de ce kyste que j'avais dans le cou, avec l'oncologue, avec surtout la radiothérapeute, bien sûr, pour qu'elle me fasse un schéma de radiothérapie qui allait éviter les cordes vocales et donc vraiment les contourner, puisque cette zone-là, a priori, n'était pas touchée, mais la base de langue était vraiment toute proche des cordes vocales. Oui, t'as pu conserver pleinement ta voix, quoi. Ben, en fait, je l'ai retrouvée, parce que mon entourage me disait « Ah, mais c'est bien, t'as retrouvé ta voix d'avant. » Je disais « Ah bon ? J'avais pas ma voix d'avant ?»« Ah ben non, non. » Et en fait, moi, je m'en suis pas rendu compte, ce qui est un peu étrange. Mais comme j'ai quand même perdu beaucoup de joie de vivre et qu'en fait, beaucoup, j'ai perdu un peu l'élan vital, quoi, pendant plusieurs mois, j'ai pas tellement chanté, voire j'ai pas chanté du tout. Alors, est-ce que c'est, j'ai pas chanté parce que j'avais pas l'élan, ni la joie, ni voilà, l'envie de le faire, ou est-ce que j'avais aussi, je pense qu'il y avait, c'est plutôt et où, j'avais la peur de ce qui pouvait sortir. Mais c'était ta voix... parlée. Ah oui, c'était ta voix parlée, pas ta voix chantée. Mm-hmm. Ok, donc ouais, même ta voix du quotidien, elle avait un peu... Ouais. Un peu évolué. T'es fatiguée, quoi. Oui, bah oui, forcément. Et donc, en signe par rapport aux symptômes, tu disais que c'était un kyste, tout simplement, que t'as eu dans le cou, qui est apparu comme ça, on ne l'a pas... Il est arrivé autour du 14 février, alors est-ce qu'il y a un message à aller chercher là derrière, je ne sais pas, mais vers le 14 février, ouais, j'étais assise dans mon divan, dans mon nouvel appartement dans lequel je me sens bien, et puis je sais pas, je glisse ma main dans le cou comme ça, et puis je me dis, bah c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette boule, quoi, c'est bizarre. C'est pas très gros, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas censé être là, quoi. Je me dis, bon, c'est peut-être un ganglion un peu gonflé, je sais pas, peut-être que je vais avoir un peu un rhume ou j'en sais rien, enfin. Et puis, j'en parle pas trop, et je pense que je prie un peu intérieurement pour qu'elle se barre. Pour qu'elle s'en aille, à part qu'elle s'en va pas. Et puis, à un moment, je montre quand même à ma maman, qui est infirmière. Je vois un peu d'inquiétude dans ses yeux, mais bon, après... C'est quand même, c'est une maman, donc je pense que j'aurais vu ça dans le cou de ma fille. J'aurais été très inquiète aussi, donc voilà. Elle m'a invitée à prendre un rendez-vous assez vite à l'hôpital. Les deux médecins que je vois n'ont pas l'air très inquiets. On fait une ponction du liquide qui se trouve dans ce kyste. Le liquide a l'air clair. Voilà, pas de signe avant-coureur. Donc le 2 juin 2023, je me fais opérer de ce kyste, parce que bon, voilà, c'est quand même... comme intéressant de l'enlever, quoi. Et donc, on fait l'opération, tout ça. Bon, c'est pas une très grosse opération, hein. Oui, c'était quand même un gros kyste, mais... Bon, j'ai quand même une cicatrice de je sais pas trop combien de centimètres, mais quand même assez, assez grande dans le cou. Et puis, je rentre chez moi assez vite. Enfin, voilà, ça se passe bien, quoi. Et je retourne à l'hôpital, donc, le 9 juin, pour... En fait, mon intention pour ce rendez-vous, auquel je me rends seule, parce que, bon, il y a... Voilà, y a a priori, rien de... Enfin, on va juste m'enlever ce pansement, vérifier ma cicatrice, et je vais quand même pouvoir, pour l'anecdote, poser la question de savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller au terme. Enfin, faire, pas une cure thermale, mais voilà, aller passer une journée dans les thermes, moi j'adore. Et avec une cicatrice, je sais que voilà, ça peut poser problème, quoi. Donc, c'était vraiment mon intention du jour, quoi, poser cette question. Ok. Donc, je vois le médecin au moment où on enlève, enfin, c'est une infirmière qui m'enlève le pansement. Et je vois le médecin, et en fait, il est en avance. Et je fais une blague, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous êtes en avance, c'est merveilleux. Enfin, waouh, quoi. Je ne sais plus quelle blague je fais, mais bon, bref, en tout cas, une blague par rapport à ça, quoi. Et je vois qu'il rigole pas trop, quoi. Je dis, ah, ok, bon, voilà, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, j'en sais rien. Enfin, ouais, c'est trop bizarre. Et donc, je m'assieds devant lui, et puis là, bon, il passe pas par quatre chemins, quoi. Là, il me dit, écoute, en fait, j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Ah bon? Donc là, je crois que je deviens toute blanche, mais bon, je me suis pas vue, mais je me suis imaginée, quoi. Je me souviens de certains mots qui ont été prononcés, de certains mots que moi, je lui ai fait prononcer aussi. Par exemple, le mot cancer, c'est moi qui ai dû... Je dis, en fait, vous êtes en train de me dire que j'ai un cancer, donc là, il a dû me dire, oui. J'ai dit, ah, ok. Je me souviens qu'il m'a dit là, on a des certitudes et puis aussi pas mal d'incertitudes. Donc on sait que ça vient du papillomavirus, de la source 16, donc HPV 16. Ça, on est sûr à 100%. Par contre, on n'est pas sûr de l'endroit où la tumeur primitive se trouve. J'ai trouvé que l'annonce était très soignée. Il a vraiment pris le temps. Je me souviens que je lui ai dit que j'avais des milliers de questions, évidemment. Enfin, des milliers de questions, et en même temps, j'étais à moitié dans les pommes. Il m'a assise dans son fauteuil. Il m'a mis un petit gant de toilette froid sur le front. Enfin, voilà, très mignon, quoi. Mais donc, j'avais plein de questions. Et en même temps, je disais, mais en fait, monsieur le docteur, j'ai pas envie de vous mettre en retard sur vos prochains patients, quoi. Puis il me dit, mais non, mais vous inquiétez pas. Enfin, j'ai pris soin. Ça fait une semaine que vous êtes dans ma tête, quoi. Je savais pas trop comment faire. Est-ce que je devais vous appeler pour venir avec quelqu'un? Est-ce que, en même temps, si je faisais ça, vous alliez stresser toute la semaine? Enfin, donc voilà, je me suis dit, quelle est la meilleure stratégie, en fait? J'ai pas de réponse vraiment à ça, donc j'ai décidé finalement de rien faire. Je pensais bien que je n'ai rien prévu derrière, quoi. Okay. Donc si ça doit durer 3 heures, ça durera 3 heures. Donc ça, franchement, je salue vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'annonces qui se font vraiment de façon très maladroite. Et, plus brutale, ouais. Voilà, plus brutale. Et là, c'était très doux, en fait. C'était très dur, bien sûr, mais c'était très doux. Alors moi, jusque-là, dans ma vie, je fonctionnais beaucoup, comme la majorité des gens, beaucoup au mental. Donc mon corps, je l'écoutais très peu, voire pas du tout. Et mon instinct, encore moins. Donc c'est un peu les trois façons, en fait, de fonctionner, quoi. Soit ouais. Au mental, soit au corps, soit à l'instinct. Ou à l'émotionnel aussi. Et en fait, au moment où j'entends le mot cancer, mon mode de fonctionnement a complètement switché de façon consciente. C'est le mode instinctif, en fait, qui est passé au premier plan, quoi. Et en fait, depuis lors, je pense que là, maintenant, je suis plutôt dans un équilibre entre le mental et l'instinctif, mais l'instinctif a une énorme place chez moi, quoi. Donc, c'est-à-dire que depuis un an, en fait, il y a toute une grande série de décisions que je prends. Je ne vais pas chercher dans mon cerveau, quoi. Je me dis, en fait, je le sens, j'y vais, quoi. Donc ça, c'est une des choses assez remarquables, en tout cas, de ce moment-là. L'autre chose assez remarquable, c'est... j'ai tout de suite dit, de façon assez lucide, ce cancer, je décide d'en faire quelque chose de positif. Mais je sais qu'au fond de moi, j'ai planté une graine à ce moment-là de ce cancer. Il n'est pas là pour rien. Je vais en faire quelque chose. Je vais m'en servir, quoi. Mais là, voilà, moi, j'ai envie vraiment d'insister sur le fait que je parle à titre tout à fait personnel, quoi. Parce que je comprends qu'il y a des gens qui ne soient pas du tout OK avec ça. Mais... Parce qu'il y a aussi des cas qui sont forcément beaucoup plus dramatiques et où je comprends. En fait, t'as pas envie de dire, il y a pas de hasard. Oui. L'entourage avait besoin de comprendre quelque chose. Enfin, non. En fait, je comprends que ce soit pas entendable aussi. Mais en parlant, voilà, de façon tout à fait personnelle, je crois très fort au fait qu'il y a pas de hasard dans la vie. Et donc, comme il y a pas de hasard, ben voilà, si c'est là, c'est que ça vient m'enseigner quelque chose. Mm-hmm. Ça vient m'apprendre quelque chose sur la vie. Et donc, voilà, c'est la décision que j'ai prise. Au moment même, quoi. Et donc, à ce moment-là, ils t'annoncent aussi les traitements. C'est ça. Donc, ce rendez-vous-là, ça, c'était aussi ça. à ce moment-là, il y avait deux possibilités de traitement. Alors, soit c'était la chirurgie. Ah oui, mais tout en sachant que, comme on ne savait pas où était la tumeur primitive, c'était un peu une loterie, cette chirurgie. Parce que lui me dit, en fait, assez vite, c'est fort probablement la base de langue. Alors, je ne sais pas exactement pour quelle raison il a dit ça, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres cas et que, en fait, c'était à cet endroit-là. Mais on ne sait pas. Donc, premier schéma de traitement, opération de la base de langue et 35 séances de rayons. Ou bien l'autre schéma, c'était 3 cures de chimio et 35 séances de rayons. Et là, il n'y avait pas d'opération. On a de nouveau un rendez-vous. Et là, j'ai un souvenir de ça, mais je ne sais plus très bien pourquoi il me dit ça, mais... En gros, il me dit, j'ai une bonne nouvelle, je sais pas quoi. Puis en fait, il me dit le truc et je comprends pas du tout la bonne nouvelle, en fait. Parce qu'en fait, il m'annonce que je vais avoir la chirurgie, les rayons, les 35 séances, plus les chimios, quoi. Et donc, je suis là, mais je me souviens très bien qu'il m'ait dit, voyez, il y a une bonne nouvelle. Mais en fait, je suis même plus capable de dire c'est quoi la bonne nouvelle. Mais il m'en annonce en troisième qui fait un combo de tout ça, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour lui, médicalement parlant, c'était une bonne nouvelle. Et donc, ce qui s'est passé dans ce laps de temps entre donc, ce dernier rendez-vous où donc, il m'annonce cette bonne nouvelle, les trois traitements, et l'opération en elle-même, il y a une dizaine de jours qui s'écoulent. Et en fait, moi, j'avais prévu de partir en vacances avec une amie, sa fille et la mienne, au mois d'août, où évidemment, ben, j'avais déjà fait le deuil du fait que ça n'irait pas. Je ne serais pas vraiment en état. Et donc, en fait, je sais que le 9 juin, quand ce médecin m'annonce que j'ai un cancer, je sais que très, très vite, mais je pense que c'est peut-être la première pensée après, après cette annonce, c'est... OK, mais alors je crois que je vais avancer mes vacances avec ma fille, comme ça, ma fille aura quand même droit à des vacances. Voilà. Et donc, en fait, finalement, on avance toutes les quatre, nos vacances, entre le dernier rendez-vous et l'opération. Donc, je rentre la veille de l'opération. Oh, ah oui. Ouais, donc c'était quand même un peu une prise de risque au niveau des avions et tout, parce que... Oui. Voilà. Mais, et donc, voilà. Donc, on est parti en vacances. Donc, ça m'a quand même fait du bien de pouvoir me poser un peu dans un hôtel... c'est pas du tout mon style de vacances habituel, mais bon, voilà, là, c'était bien d'avoir un hôtel où il n'y a pas grand-chose à penser. T'as réussi à déconnecter quand même pendant ces vacances? Ouais, un peu. Bon, après, ça revenait quand même régulièrement, mais c'est vrai que ça, j'avais quand même encore des moments où, en fait, quand la pensée revenait, t'as un cancer, en fait, avant que cette pensée-là ne revienne, ben, en fait, je me rendais compte qu'il y avait quand même quelques heures où j'y avais pas pensé. Donc c'était chouette, ouais. Mmh, c'était quand même assez reposant, quoi. La dernière fois que j'ai chanté, c'était fin juin, où là, j'ai décidé, comme je te dis, tu vois, de façon instinctive. Et là, moi, je sais qu'en fait, je ne vais plus chanter avant un certain temps. Et donc, je dis à mon frère, je dis Antoine, en fait, demain, dimanche, on va faire une fête chez les parents. Bon, j'espère qu'ils sont d'accord, mais j'imagine que oui. Ah, ils ont un grand jardin. On fait une fête. J'envoie un message ce soir à plein de gens et on verra qui sera là. Je veux qu'on fasse la fête et qu'on célèbre la vie, et en même temps je veux que nous on fasse qu'on joue, on va faire une scène ouverte, quoi. Bon, j'ai plein de potes musiciens évidemment, donc on a joué, puis voilà, on a deux trois potes qui ont fait des trucs, et donc voilà, mais ça c'est le dernier moment musical, C'est une journée assez dense, cette journée-là, parce que c'était vraiment fin juin, juste avant de partir en Espagne, justement, cette petite semaine de vacances. C'était un dimanche, et le matin, j'ai vu ma grand-mère. Et en fait, je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était la dernière fois que je la voyais. Et l'après-midi, il y avait la fête du crabe dans le jardin de mes parents, quoi. Et donc voilà, là, on est début juillet, et le 3 juillet, donc je me fais opérer de la langue. Il m'avait dit que c'était très douloureux. Okay. Ça, je m'en souviens. Je ne m'attendais pas à aussi douloureux. Pourtant, je ne suis pas vraiment douillette. Je ne sais pas si vous dites ça en France. Oui. Ouais, ça va. Oui. Parfois, je dois réfléchir à des expressions, tu vois. C'est on dit. Ah non, ouais, donc je ne suis pas quelqu'un de douillet, mais donc c'est extrêmement douloureux. Je suis quand même restée aux soins intensifs pendant 2 jours, je crois. Et puis après, pendant 3-4 jours en chambre. Et puis après, je suis rentrée ici. Mais donc, c'est 10-15 jours où, en fait, j'ai perdu beaucoup de force parce que je mangeais plus. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore annoncé la bonne nouvelle de la sonde gastrostomie. Donc là, j'ai perdu 6-7 kilos en 10 jours, quoi. Et puis, pendant toute cette convalescence-là, j'ai continué à avoir des rendez-vous avec radiothérapeute, avec oncologue. Et là, en fait, on m'annonce... c'était horrible parce que tous les 2 jours, on m'annonçait un truc horrible, quoi. Une des fois, c'était « Ah oui, voilà, quand on fait des rayons dans la sphère ORL, idéalement, on va faire un tour chez le dentiste pour être sûr qu'il ne faut pas enlever des dents, quoi. Mais bon, vous, voilà, vous êtes jeune, on ne va pas devoir vous enlever des dents, quoi. » OK. Je vais chez ce dentiste qui, effectivement, me dit « Non, il n'y a pas besoin. » Et puis, en fait, 5 minutes après, il m'envoie un SMS en disant « Ah oui, en fait, je me suis trompée. » Il faut que je vous enlève 5 dents, 4 dents de sagesse, plus encore une autre molaire. Est-ce que vous êtes libre mardi à 17h? J'étais très fâchée. Les douleurs ne sont pas du tout encore terminées. Moi, j'ai l'image de mes potes adolescents qui ont des bouches comme ça, comme des hamsters, qui crèvent de mal pendant 4-5 jours. Et en plus de ça, vous allez rajouter de la douleur là-dessus. En fait, ce n'est pas possible, quoi. Enfin, mon seuil, il est atteint déjà, en fait. Donc, stop. Et là, surprise, donc là, c'est dans un autre hôpital. Je me réveille de cette opération et je n'ai plus mal nulle part. OK, chouette. Donc en fait, ils ont réussi avec un bon schéma d'antidouleur, à stopper la douleur. Et puis, après, je pense que ce qui vient, c'est justement cette annonce de sonde, de gastrostomie. Moi, évidemment, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Et donc, elle me dit, bon, ben voilà, oui, c'est vrai que dans des cas de cancer tête et cou, on préconise la sonde de gastrostomie en imaginant que, comme vous allez avoir beaucoup de rayons à la base de la langue, oui, parce que ça, j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, heureusement, la tumeur primitive était bien à la base de langue. Donc, ils l'ont bien retrouvé, quoi. Ça, ils l'ont vu à l'opération, en analysant... En analysant, après, la partie qu'ils ont prélevée, okay. Ils ont pu identifier la tumeur primitive, quoi. Ouais. Donc, ma radiothérapeute, qui est formidable, d'ailleurs, soit dit en passant, qui donc me dit, oui, voilà, pour les cancers tête et cou, on préconise de faire une sonde de gastrostomie en prévision, en fait. Parce que c'est fort probable qu'à un moment, vous ne puissiez plus manger par la bouche. Donc, on la met... En fait, j'avais perdu tellement de poids déjà à ce moment-là. Je pense que 2-3 jours après, l'opération était prévue. Et j'ai déjà commencé à faire passer de la nourriture entérale avant les traitements chimio et radiothérapie pour pouvoir récupérer des forces. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le 17 juillet, voilà, j'ai toutes les dates en tête. Le 17 juillet, j'ai posé la sonde de gastrostomie. Et le 24, j'ai commencé mes traitements. Ok. C'était en même temps, la radiothérapie et la chimio? Ouais, les deux en même temps. Et, ouais, et donc encore la dernière... dans cet enchaînement d'annonces, trash, elle me dit, est-ce que vous voulez encore avoir des enfants? Ben, je dis non, a priori. Mais bon... En fait, quand on te dit tu pourras peut-être plus jamais en avoir, même si t'as plus envie d'en avoir, en fait, ça change tout, quoi. Quand tu te dis, ah putain, ouais, en fait, j'ai quand même envie de réfléchir, quoi. Parce que j'avais pas le temps de réfléchir. En gros, je vais donner une réponse 2 jours plus tard. Et c'était de nouveau une opération pour ponctionner des ovules, pour pouvoir les congeler au les cas où, quoi. Les conserver, ouais. Ouais. Et donc là, en fait, j'ai dit non. Non, non, je fais pas ça. Ça fait déjà, du coup, à ce moment-là, le kyste, la langue, les dents, la sonde. 4 opérations en un mois et demi, fait, c'est bon, quoi. Voilà, je pense que mon corps, il a assez morflé. Je m'arrête là, quoi. Puis il y a d'autres traitements qui arrivent derrière. Et il y a les autres traitements qui arrivent, ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de dire non à ça. Mais c'est hyper trash, parce que tu te dis... En 2 jours, tu dois décider ton avenir maternel. C'est chaud, quoi. Parce que moi, avant tout ça, en fait, j'allais très bien. Et c'est ça. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en une fraction de seconde, en un rendez-vous, tu enchaînes une flopée de traitements, d'examens. Alors qu'avant, t'avais aucun souci de santé. T'as eu 4 opérations d'un seul coup. Enfin, ton corps, il est pas préparé à ça. Pas du tout préparé. Il est complètement traumatisé, en fait. Oui. Pauvre. Et donc, après, arrive la radiothérapie et la chimio. Mmh. Comment ça s'est passé? Donc, je rentre à l'hôpital le 24 juillet, assez sereine, en me disant, mais en fait, tout est prêt. Tous les plannings sont OK. J'avais une amie qui m'avait proposé de venir habiter chez moi. Maud est là. Ça va aller, quoi. Je sais que ça va être dur, mais ça va aller. Je suis assez confiante, quoi. Donc, je reçois ma première cure de chimio. Et puis, le lendemain, le médecin de l'étage me dit, oui, voilà, vous pouvez rester à l'hôpital, mais vous pouvez aussi rentrer. Mais bon, si vous rentrez, vous devez absolument boire 2 litres d'eau tous les jours. Et donc, le 25, donc, je rentre chez moi. Je fais un atelier d'art-thérapie avec une de mes grandes amies, Inès. Et puis, on va marcher avec Maud sur le halage. Et là, je commence à sentir mes oreilles qui commencent à bourdonner. Le rendez-vous avec l'oncologue que j'avais quelques semaines avant, c'était dans les effets secondaires de la chimio. Voilà, moi, je constate à ce moment-là que ça commence à avoir de l'effet, du coup. Ouais. Puisque mes oreilles commencent vraiment à bourdonner, comme si j'avais été 3 jours en festival et que j'étais à côté du baffle pendant 3 jours, quoi. Donc là, on est le 25. Le lendemain, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais je pense que je vais très mal. J'ai vraiment des difficultés à me lever. Et puis, le lendemain matin, là, le 27... Maud appelle ma maman en disant « là, ça devient vraiment inquiétant, quoi ». Ah oui, et donc je commence déjà mes rayons. Donc là, ça fait déjà du coup 3-4 jours que je fais mes rayons tous les jours. Et donc le 27, je suis arrivée à l'hôpital en chaise roulante, complètement apathique, complètement livide, complètement bouffie, en fait, parce que je n'évacuais plus rien. J'ai appris que quand je suis rentrée à l'hôpital, mes reins ne fonctionnaient plus qu'à 5%. Je sais que les médecins ont vraiment stressé, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette réaction-là. Donc en fait, je rentre à l'hôpital avec une insuffisance rénale quasi totale, avec une hépatite et une pancréatite. Tout ça en même temps, plus en même temps mes règles qui s'invitent à la fête, qui étaient hyper douloureuses. Ah, c'était terrible, vraiment c'était terrible. Et donc on m'a dialysée, enfin, j'étais dialysée 3 fois, mais pendant longtemps on m'a laissé ce cathéter en me disant ben, on ne sait pas trop si on va devoir le refaire, enfin, en refaire ou pas. Donc en fait, j'étais bloquée à l'hosto, quoi. Oui. Ben, j'étais bloquée dans le site d'hôpital, j'étais vraiment bloquée dans mes mouvements aussi. Et puis donc les oreilles aussi, mais qui étaient vraiment tellement un problème secondaire à ce moment-là que, ben, en fait, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à devenir sourde, en fait, de plus en plus. Donc vraiment à perdre une grosse partie de mon audition, quoi. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup maigri aussi à ce moment-là, parce que j'arrive à 47 kilos... Enfin, je fais 60 kilos dans la vie, moi, donc voilà, 13 kilos en quelques semaines, on le sent, quoi. Je regardais mon corps, je me disais, mais qu'est-ce que c'est de ça, quoi. Enfin, c'est horrible, c'est pas mon corps, quoi. Je me reconnais pas du tout, j'ai plus de fesses. je suis squelettique, en fait. Enfin, c'est pas moi, quoi. Enfin, c'était très dur aussi, cette image-là. J'étais avec ma maman, qui restait quasiment tout le temps avec moi. On avait une chambre à deux. Et donc, c'est vrai qu'en fait, pendant ce temps-là, j'avais pas beaucoup de force, j'avais plus beaucoup de courage, j'avais un peu perdu le courage de vivre, quoi. Et donc, en fait, ma maman faisait tout pour moi, quoi. En fait, c'est pas du tout dans mon tempérament, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très indépendante, je n'ai pas l'habitude qu'on fasse des choses pour moi, quoi. Et là, en fait, je me suis laissée faire comme un enfant, quoi. Mais j'avais besoin, enfin, je pouvais pas faire autrement, en fait, à ce moment-là. Et donc... Donc, j'ai fait mes radiothérapies tous les jours. Mais alors, je peux te dire, l'état, oh là là. C'est une équipe magnifique, l'équipe de radiothérapie dans l'hôpital dans lequel j'étais soignée. Ils m'ont vue sous toutes les formes, toutes les couleurs. Et alors, à un moment, j'ai un peu repris vie comme ça. Je ne sais pas dire après combien de temps, mais voilà, après quelques semaines, sans doute. Et là, mais c'était incroyable, je me prenais dans les couloirs pour descendre à la radiothérapie et tout le monde était là. Mais c'est tellement gai de me voir comme ça, enfin. Et tu vois, j'avais genre 15 personnes du personnel hospitalier qui venaient me faire des remarques, enfin, tu vois, qui venaient vraiment me souligner le fait que c'était merveilleux de me voir comme ça, quoi. Mais oui, ils m'ont vu tellement dans des états. Je me souviens... que fin août, donc juste avant ma deuxième hospitalisation. Donc en fait, entre mes deux hospitalisations, je suis rentrée chez mes parents pendant une semaine, je crois que c'était pas plus que ça, une semaine, et ça a été très très dur. J'arrivais pas à passer toute la poche de nourriture entérale, donc en fait, j'arrivais pas à grossir, j'arrivais pas à boire suffisamment, donc j'étais déshydratée. Je continue à perdre du poids alors que putain, je passais des heures avec ce truc branché à ce bazar. C'était vraiment pénible. Et en fait, je crois qu'à cette petite période-là, j'ai fait une très très brève dépression, mais très forte. Ça a vraiment duré quelques jours. Mais je sais qu'à ce moment-là, je sais très bien ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je voulais mourir, quoi. Je me disais, mais à quoi bon être là si c'est pour vivre ça? Ça n'a en fait plus rien de sens, quoi. Et donc là, j'ai eu un rendez-vous avec mon oncologue qui était pendant cette semaine-là, qui du coup s'est assez inquiété de mon état. Puis elle me dit, mais écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir 3 jours d'affilée en hôpital de jour pour pouvoir vous réhydrater. Donc, vous allez passer 4 heures tous les jours avec une perfusion pour pouvoir reprendre un peu du poil de la bête, quoi. Et puis, donc l'après-midi même, je passe... Donc, quelques heures à l'hôpital pour une perfusion d'eau. Et là, en fait, débarque dans ma chambre l'oncologue et la médecin de l'étage, qui, en fait, lors de la première hospitalisation, cette médecin de l'étage a vraiment passé beaucoup de temps avec moi, à parler de tout et de rien. Elle s'asseyait à côté de moi. En fait, elle a vraiment pris le temps alors qu'elle n'avait pas ce temps, quoi. C'était vraiment, voilà, très touchant. Donc, elles sont arrivées dans cette chambre à l'hôpital le jour. Et en fait, là, je me suis effondrée. Je les ai vues entrer, j'ai pleuré tout de suite. Et en fait, j'ai pleuré pendant une heure et demie. J'ai hurlé. Il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait que je... Il fallait une brèche dans ce... Dans ce bouclier tellement épais que je m'étais construit. Et donc là, elles m'ont trouvé un lit pour dès le lendemain, pour une deuxième hospitalisation. Il y a eu aussi mon amie Delphine, à qui j'avais envoyé un appel à l'aide, qui est venue me faire un soin énergétique, qui a fait un bien fou. Enfin, elle a répondu tout de suite présente. Elle a pris le temps avec mes parents aussi, mais qui sont aussi en état de choc, qui sont aussi traumatisés. Enfin, c'était une journée très dure et en même temps très libératrice, quoi, d'une certaine manière. Et je savais déjà que je rentrais à l'hôpital le lendemain, donc je pense qu'il y avait ça aussi qui m'avait un peu soulagée aussi. Dès le lendemain matin, je suis rentrée à l'hosto et là, j'étais en chambre double, donc j'avais une voisine. Donc ma maman ne pouvait plus être avec moi. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite. On n'en a jamais vraiment reparlé avec elle. Bon, un jour, j'en reparlerai avec elle, mais parce que je sais qu'on a fait de notre mieux toutes les deux. Donc c'est pas du tout. Je suis pas du tout en mode reproche, pas du tout. Mais je sais que j'ai commencé à aller mieux parce que elle n'était plus là et que j'ai pu reprendre le pouvoir sur mes soins. J'ai pu retrouver de la souveraineté personnelle. Ton autonomie ? Mon autonomie, mon indépendance, exactement. Dans ma tête, le jour où je suis arrivée à l'hôpital, j'ai l'impression que même déjà le lendemain, j'allais déjà beaucoup mieux. J'ai repris très vite du poids parce qu'on m'a vraiment bien réhydratée pendant 4-5 jours. Donc en fait, j'ai repris tout de suite 6 litres, tu vois. C'est bien la première et seule fois de ma vie où je me dis « Ah putain, j'ai grossi, c'est cool !» Et donc, elles, leurs objectifs, c'était vraiment de me remettre sur pied par différentes choses. Donc aller voir une psychologue régulièrement, aller faire de la kiné et puis surtout aussi être sur place pour faire toutes les radiothérapies, donc pas devoir faire beaucoup de déplacements. Donc t'arrives à en venir à bout de ces 35 séances de radiothérapie. Voilà, c'est ça. Donc, tu les termines. Ouais, deuxième hospitalisation qui se passe bien, où j'ai une super voisine de chambre, Nadou, qui est ma maman de l'hôpital. D'ailleurs, de qui je porte le pull. Ah oui. Que j'ai passé le week-end dernier chez elle et elle m'a donné la moitié de sa garde-robe. Et donc, voilà. Et ouais, on se voit encore régulièrement. Mais... Et aussi pour l'anecdote, en fait, il y a une fille dans la région ici que moi je connais pas, mais on a un peu les mêmes centres d'intérêt. Et donc, j'entends parler d'elle par des amis à moi, quoi, qui me disent Ah, Aline, elle a eu la même chose que toi. Et donc, je sais que tu vois ce moment où justement c'était très sombre. Très très sombre là où je me suis dit autant mourir. Je sais que j'ai aussi envoyé un message à Aline à ce moment-là en lui disant pareil, j'ai besoin d'aide. J'avais pas réalisé en fait à ce moment-là, mais je me rends compte maintenant qu'en fait à ce moment-là, elle a pris, si tu veux, un espèce de rôle dans la fin de mon traitement. Et donc, elle était trop mignonne. Tous les jours, elle avait une surprise pour moi, les 8 derniers jours, mais jusqu'à venir à l'hôpital. À me déposer 4 ballons parce qu'il restait, tu vois, 4 ballons à l'hélium, là, tu vois, super gros, tout le monde croyait que c'était mon anniversaire, je crois pas du tout. Venir me déposer 4 ballons parce qu'il restait 4 séances, tu vois. Elle m'a déposé 6 fleurs parce qu'il en restait 6. Elle me faisait des vidéos, enfin, hyper mignonne, c'était magnifique, quoi, tu vois, de me sentir soutenue par quelqu'un qui comprend très, très bien ce par quoi je suis passée aussi, parce qu'elle est aussi passée par là. Et voilà, un petit rayon de soleil aussi dans tout ce parcours de soins. Et de traitement, c'était très chouette qu'elle soit là. Je voulais qu'on parle du centre de rééducation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à La Rochelle, par rapport à ces problèmes de surdité que tu avais. Comment tu as découvert ce centre et comment ça s'est passé là-bas ? C'est un grand saut dans le temps, mais en fait, le fait que tu en parles maintenant fait quand même sens parce que j'ai entendu parler pour la première fois du centre justement au mois de septembre, quand une de mes amies est venue me voir et m'a parlé de ce centre parce qu'elle-même avait fait des recherches pour sa maman qui était atteinte d'hyperacousie sévère et qui donc a été soignée dans ce centre-là. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a planté une graine quand elle m'a parlé de ça. Donc finalement, j'ai pris contact avec eux dans le courant du mois d'octobre. Et c'est vrai que c'était ce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé en les contactant. C'est qu'en fait, pour la première fois, je me sentais entendue pour ce problème d'audition et comprise. Mais avant, en fait, d'accepter des patients dans leur protocole, ils font un bilan. Et donc, il fallait qu'on aille à La Rochelle pour aller faire ce bilan. Et donc, on y est allé avec ma maman au mois de novembre. Et donc, entre le moment où je sors de l'hôpital et ce mois-là, c'est plusieurs semaines où, en fait, je fais tout le temps la même chose. C'est-à-dire que je dors et je marche. Et voilà, moi, à ce moment-là, je ne mangeais pas. C'est aussi un des combats, évidemment. Donc, c'était un mois, 6 semaines qui ont été longs, pénibles. En fait, qui m'ont semblé long, mais en fait, au final, quand j'ai réfléchi avec du recul, je me dis en fait, c'était pas si long pour pouvoir recommencer à avoir un peu de vitalité, quoi. Et donc, c'était vraiment ça l'image que j'ai eue, en fait, toutes ces semaines-là, c'est que il me restait une petite flamme de vitalité comme ça, de même pas 1 centimètre dans le fond du ventre, sur laquelle, ben, que j'ai entretenue pour ne pas mourir, en fait. Et donc fin août, ben, j'ai vraiment hésité à souffler dessus, quoi. Et puis à partir du mois de novembre, donc quand on a été faire ce bilan à La Rochelle, on était dans un hôtel où il y avait les petits déjeuners compris dans le prix, quoi. Et en fait là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à, tu vois, un petit peu retester des trucs, quoi, boire un chocolat chaud, manger un petit bout de, je sais plus comment vous appelez ça, mais nous on appelle ça les pains au chocolat, mais vous c'est pas ça, c'est comment? C'est les pains au chocolat. Vous dites pain au chocolat? Alors. Bon, non, il y a un autre mot. Il y a chocolatine, mais... Oui, chocolatine. Ouais, mais ça, c'est les gens du Sud qui disent ça. Ah. Non, mais voilà. Vous dites pain au chocolat, quoi. Oui, oui. Hein, bref, un morceau de pain au chocolat, quoi. Il y a un gros débat, en fait, en France, entre pain au chocolat et chocolatine. Ah, ben voilà, voilà, tu vois. Je mets quand même un peu les pieds dans le plat, quoi. Oui. Et, enfin, voilà, bref, tu vois ça, des fruits, du jus de fruits. Et en fait, le goût, je pense, a commencé aussi à revenir à ce moment-là. Parce que le goût avait totalement disparu. Assez vite, en fait. Vers le mois de novembre, ça a commencé à revenir petit à petit. Et donc, j'ai commencé à reprendre un peu plaisir à manger, quoi. Et donc, en remangeant, bah, j'ai renourri cette petite flamme qui a commencé à grandir, grandir, grandir. C'est vrai que La Rochelle, ce premier moment de bilan, ça a été un moment un peu tremplin pour moi, quoi. Ça m'a vraiment fait du bien. Et on te dit à ce moment-là, oui, on peut vous recevoir. Ouais, c'est ça. On me dit, bah oui, on peut faire quelque chose pour l'hyperacousie. C'est... un symptôme qui fait que plein de bruits du quotidien deviennent inaudibles et insupportables, voire douloureux. Donc des bruits de couverts, des applaudissements, des gouttes d'eau qui tombent dans la douche, des cris d'enfants, un klaxon, des talons sur le sol. Enfin, des bruits comme ça où, ben, en fait, si t'es pas atteint d'hyperacousie, tu fais pas du tout attention. Enfin, en fait, c'est comme des explosions dans ma tête, quoi. Okay. C'était super dur aussi cette période-là de me dire. Je me disais, mais putain, en fait, si ce problème perdure, je pourrais plus jamais aller à une fête, quoi. Je pourrais plus jamais aller à un festival. Je pourrais plus jamais chanter dans une chorale. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça en collectif que j'aurais plus pu faire, quoi. Enfin, pour moi, c'était terrible de me dire ça. C'est une vraiment partie intégrante de mon essence, quoi. C'est vrai que quand, à La Rochelle, on m'a dit, ben oui, oui, vous allez pouvoir venir, qu'on a commencé à fixer les moments, les dates et tout, je me dis, mais c'est génial. Et donc, il y a eu une étape supplémentaire avant de pouvoir concrétiser La Rochelle. C'est qu'en fait, c'est des traitements qui coûtent très cher, qui ne sont pas du tout remboursés, évidemment. Donc, c'est un traitement qui coûte 7 000 euros, uniquement le traitement. Ils ne sont pas compris les trajets, la nourriture et le logement. Donc, il y avait tout ça à rajouter en plus. C'est une prise en charge qui dure combien de temps? C'est 7 semaines en tout. 7 semaines. Mais réparties sur 3 sessions. Donc, c'était d'abord 3 semaines, et puis 1 mois de pause, 2 semaines, 1 mois de pause, 2 semaines. Donc, je suis allée du 15 janvier au 26 avril. Voilà, j'ai fait mes 3 sessions à ce moment-là. Malheureusement, je ne suis pas riche. Et donc, j'avais pas 7 000 euros, quoi. Enfin, 7 000 plus le reste. J'avais un peu calculé à la grosse louche, c'était entre 15 et 20 000 euros. Oui. Avec des appareils auditifs. Parce que, voilà, je veux dire, plus j'avançais, plus j'acceptais aussi un peu l'idée que j'allais devoir inviter ces objets dans ma vie. Bon, des appareils auditifs, ça coûte aussi très cher. Et donc, j'ai fait une cagnotte avec le soutien de deux amis. Le 16 décembre, donc le lendemain de l'anniversaire de ma fille, je sors la cagnotte, du coup. Enfin, je publie la cagnotte. Et en fait, je récolte 30 000 euros. Ce qui est... en fait, c'est beaucoup de questionnements de lancer une cagnotte comme ça. Est-ce que les gens vont donner? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Enfin, franchement, ça va part un peu dans tous les sens. Et donc, j'ai pu partir vraiment, là pour le coup, vraiment le cœur léger à La Rochelle. Tu vas toute seule, du coup? Ouais, j'allais toute seule, ouais. Ok. C'était une décision de ma part. C'est vrai que ma mère m'avait dit « Ah ouais, mais on viendra avec toi. » Je dis « Mais non, en fait, c'est vraiment OK, quoi. Vous n'allez pas vous taper un aller-retour à La Rochelle en un week-end avec ma femme, avec Billy, ça n'a pas de sens, tu vois. » T'avais peut-être ce besoin aussi de le faire seule et d'y aller toute seule? Bah, sans doute, oui, sans doute qu'il y avait de ça. Et en fait, j'avais mon petit moment pour moi. J'ai 3 semaines pour moi, donc j'ai pu commander une formation en ligne de numérologie. Ça m'intéresse à fond, tu vois, les chiffres, pas les maths, hein, mais... La lecture de chiffres, ça m'intéresse, quoi. Donc, j'avais pris des bouquins, j'avais des séries à regarder, enfin, je sais pas, tu vois. En fait, j'ai vraiment pris du temps pour moi, c'était hyper gai. Je fais une énorme balade, super longue, je m'en souviendrai bien, au moins 3-4 heures, sur l'île de Ré. J'étais seule sur cette île en plein mois de janvier, il faisait magnifique, le soleil brillait à fond, ciel bleu, aux heures en nuages. J'étais là sur cette plage, j'ouvrais les bras, je sentais toute seule à tue-tête. Enfin, c'était magnifique, quoi, vraiment. Enfin, c'était super gai. Le protocole de soins, c'est un système d'écoute. C'est marrant parce que c'est aussi 35 fois, comme 35 séances de rayon. 35 séances d'écoute de 2 heures où les fréquences sont modifiées en fonction de ton schéma d'hyperacousie. Et donc, on écoute de la musique classique dont les fréquences ont été modifiées pour pouvoir rééduquer l'oreille. Donc ça, c'est une première partie de thérapie. Et une deuxième partie, ce sont des rendez-vous avec Natacha, donc qui est la personne qui a créé tout ce protocole. Elle a été formée à plein d'outils, surtout émotionnels, parce qu'elle, en fait, son hypothèse de base, c'est que l'hyperacousie et les acouphènes, la cause de base, elle est émotionnelle. Alors après, on peut me dire, ouais, mais bon, toi, t'as eu ça après une chimio, enfin, c'est pas émotionnel. En fait, si, certainement. Pourquoi? Parce que pourquoi moi je fais cet effet et que quelqu'un d'autre ne va pas le faire? Et donc c'est que, en fait, oui, c'est que mon corps, enfin quelque part dans mon corps, il y a un truc qui n'est pas OK avec ça, qui n'est pas en résonance avec ça. Et en tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant comme point de vue. Et donc elle a plein d'outils, dont un outil qui s'appelle donc la psychogénéalogie. Donc c'est vraiment créer ton arbre généalogique et aller voir dans ton arbre quels sont les schémas répétitifs, qu'est-ce que tu portes qui ne t'appartient pas. Et le but de tout ça, en fait, bon, après, de nouveau, on n'y croit pas, c'est de couper les liens invisibles qui résident entre certaines personnes dans ton arbre avec qui tu es peut-être plus en connexion, de par la date, en fait, de par les dates de naissance et de mort, les différents membres de ta famille. Donc moi, c'est un outil qui nous a beaucoup occupés, en tout cas les 3 premières semaines, passer beaucoup de temps à faire cet arbre et puis à l'analyser. Parce que c'est, je sais pas, une vingtaine d'heures d'analyse avec Natacha en tête-à-tête. Parce que Natacha, tu rentres dans son bureau, tu sais l'heure à laquelle tu rentres, mais tu sais pas l'heure à laquelle tu vas sortir. Et donc, ouais, il y a des fois, on parlait pendant 4 heures de cet arbre, quoi. Enfin, et en tout cas, ce que je retire de cette expérience, c'est que, au niveau de l'audition, en tout cas, donc je n'ai pas récupéré l'audition, mais ce n'était pas l'objectif, mais mon hyperacousie a totalement disparu. Donc, ce qui m'handicapait dans ma vie, ce qui m'empêchait de sortir et d'être justement en société, a disparu. Donc, pour moi, ça a exactement répondu à l'attente que j'avais, quoi. Voilà. Après, mes acouphènes ne sont pas partis pour l'instant. Très important, le pour l'instant. Donc, il y a eu 3 semaines à La Rochelle jusqu'à fin janvier. Puis, le mois de février, ça a été un mois magnifique. Donc, c'est la semaine de Saint-Valentin, tout ça. Je refais un atelier d'art-thérapie avec mon amie Inès sur justement l'amour de soi, etc. Et je sens à l'intérieur de moi ce truc de mort-renaissance, tu vois. Voilà, il y a des trucs qui émergent, il y a une nouvelle chaleur dans mon corps. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a eu 2-3 trucs comme ça pendant cette même semaine. Et là, le dimanche, j'appelle mon père, je dis, voilà, en fait, avec Billy, on a décidé de changer les meubles de place dans l'appart. Parce que, voilà, c'est trop associé à la douleur, à la maladie, tout ça. Et donc, on a envie de changement, quoi. Et donc, il vient, parce que bon, il y a plein de trucs que je ne sais pas déplacer toute seule. Et donc, il faut savoir que moi, j'avais plus mes règles depuis 8 mois. Donc, j'ai eu mes règles la dernière fois au mois de juillet, au moment de la chimio. Et en fait, le jour où on a fait tout ça, mes règles sont revenues. Et ce que mon médecin en médecine fonctionnelle m'avait dit, c'est que je lui avais posé la question. Parce que en fait, j'avais fait une prise de sang, vu qu'on m'avait dit que j'allais peut-être être stérile. j'avais demandé une prise de sang pour vérifier, tu vois, pour demander un peu. Et alors, elle m'avait dit non, en fait, tous les marqueurs sont OK, donc tu n'es pas stérile, tu n'es pas en ménopause, donc fort probablement, ça va revenir, quoi. Et le jour où on change tout dans cette maison, mes règles arrivent, quoi. Enfin, c'était le plus beau. Je pleurais en voyant mes règles. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je disais, ah, mais putain, comment okay. J'aurais jamais imaginé pouvoir dire ça, tu vois. Et depuis lors, bon, il y a quand même des fois, ça m'emmerde, mais il y a quand même, à chaque fois, je suis vraiment en gratitude, quoi. Je dis, ah, waouh, mais en fait, ma vie, en fait, ça, c'est le signe que je suis en vie, quoi, tu vois. Je me sens très apaisée, en fait, aujourd'hui. Bon, j'ai des moments de tension, bien sûr, ça paraît évident, mais je ne les vis plus du tout de la même façon qu'avant, quoi. En fait, j'ai décidé de me former à plein d'outils qui m'ont beaucoup parlé. Et donc là, bientôt, j'ai mon module de psychogénéalogie, justement, donc je suis assez impatiente de pouvoir découvrir. Là, je me lance une formation de 2 ans, un week-end tous les 2 mois, pour pouvoir devenir constellatrice éventuellement. Mais voilà, dans un premier temps, ce n'est pas non plus mon objectif de base, c'est vraiment de pouvoir pratiquer l'outil sur moi et de, en fait, d'arriver à plus de connaissances de moi-même. Parce que comme... Donc moi, le métier pour lequel je suis formée depuis 4 ans, c'est le métier de prof de musique pour non-musiciens, pour enfants. Et donc, ça veut dire être dans des classes, faire de la musique dans des classes avec 25-30 élèves. Et en fait, avec les oreilles que j'ai aujourd'hui, avec ces problèmes d'audition, ben, c'est pas vraiment certain que ça va être confortable pour moi de continuer à faire ce métier dans cet état-là. Alors je sais que ça c'est une certitude, la musique sera toujours au centre de ce que je ferai, mais j'ai l'intuition que je dois aller voir ailleurs. En fait, que ce cancer, il vient aussi me donner l'information que la musique, oui, mais pas que la pédagogie. Ok. Est-ce que tu sais à quel moment t'as repris justement ce goût pour la musique? C'est revenu progressivement après la thérapie à La Rochelle? Mais c'est venu assez vite après, ouais. En fait, j'ai accepté un mariage fin juin. Ben, on s'est vu 2 ou 3 fois avec mes frères pour répéter justement, pour voir un peu ben, comment ça se passait, quoi. T'avais jamais rechanté depuis? Ben, pas vraiment. Très peu, quoi. Très peu, ouais. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, je pense que c'est une bonne idée de se mettre un objectif. Je pense que je serais capable de le faire au mois de juin, donc dans 2 gros mois, quoi. Et donc on a fait ces répétitions. Et en fait, la répétition s'est très bien passée. J'avais peur, en fait, pour la salive, parce que la salive, elle n'a toujours pas une texture normale, en tout cas, la texture d'avant. Ils m'ont dit, mais en fait, ta voix chantée, c'est exactement les mêmes, quoi. Donc c'était chouette aussi pour moi d'entendre ça. Parce qu'avec les appareils auditifs que j'ai pour l'instant, ce que je perçois de l'extérieur me semble naturel, mais ce que je perçois de ma propre voix ne l'est pas. Donc moi, je m'entends un peu comme une voix de robot, je m'entends un peu de loin comme ça, quand je parle, mais quand je chante aussi, forcément. Enfin, en fait, mes repères sont tout à fait différents, quoi. Ouais, ok. Et je ne les connais pas encore bien, ces repères, donc ce n'est pas très confortable, quoi. Puis en plus, comme mon audition est en train de revenir, voilà, ça va être beaucoup d'étapes, je pense. Donc on a fait en tout cas un concert donc fin juin, qui s'est très bien passé. Et puis on a fait un deuxième concert là, le 1er septembre. C'est un événement dans mon village qui s'appelle la Vieille Boucle Lustinoise. Et c'est un événement, donc c'est une course de vieux vélos, vintage, où il y a quand même 350 coureurs, quoi, donc c'est quand même un gros truc. Et c'est une organisation qui récolte de l'argent pour 3 associations en lien avec le cancer. Donc une pour une fondation de recherche, une autre c'est une fondation pour la fin de vie, soins palliatifs, et une autre c'est pour un centre de bien-être pour les patients atteints de cancer. Centre duquel j'ai bénéficié évidemment pendant mes traitements. Donc pour moi ça a vraiment évidemment un sens énorme de devenir bénévole lors de cet événement. Donc j'ai participé dans l'équipe sponsoring. Bon, là, c'est encore un secret, mais bon, comme ça n'est pas publié avant quelques semaines, on a récolté 95 000 euros, quoi. Ah, mais donc 95 000 euros. Putain, t'as vu, je m'adapte bien. Oui. Et donc, c'était guide. Avec plein. Bon, évidemment, c'était très confortable. C'est dans mon village, je connais plein de gens, donc les gens qui étaient là venaient pour nous voir. Ils sont restés du début à la fin du concert, ont dansé. Enfin, voilà, c'était vraiment une très belle ambiance. que tu as un petit mot de la fin à nous partager? Un mot de la fin. Mais d'abord, partager que je reprends donc mes études. Là, je viens de faire ma rentrée, quoi. Donc, je termine ma dernière année. Je suis vraiment très contente aussi de terminer ce cycle. Pour être prof de musique, donc, ouais, à l'école. Ouais, sans savoir si je vais exercer ce métier ou pas, on verra. Mais en tout cas, j'ai besoin de le boucler. Et le mot qui émerge depuis très peu de temps, c'est le mot « oser ». Et donc vraiment oser être qui je suis, oser rayonner, oser dire ce que je pense, oser, tout oser en fait. Vas-y, fonce, c'est maintenant quoi. Et donc je mets plein de projets en place pour l'instant. Je n'aurais jamais osé faire ça il y a un an d'ici, un an et demi. Jamais. Je me serais trouvé toutes les excuses possibles inimaginables. Puis j'ai fait beaucoup de stages de musique cet été aussi. Donc notamment un stage d'improvisation vocale qui est très challengeant pour moi. Se mettre au centre, oser, faire entendre sa voix, tout ça. Ouais, c'est tout, beaucoup de challenges. Et donc hier, j'ai ouvert un cercle de femmes avec mon amie Stéphanie, où on a appelé ce cycle « La voix des saisons », où entre autres, un des outils qu'on utilise bien sûr, c'est la voix et le fait de chanter des mantras en plusieurs langues. Et je me suis sentie tellement à ma place. C'est peut-être la première fois en fait que je me sens autant à ma place. En fait, le cancer pour moi, il m'amène le fait de vivre plein d'expériences, de rencontrer beaucoup de gens. Il m'amène surtout le fait d'oser. Bah, merci beaucoup, Guylaine, d'avoir accepté de partager ton histoire. Merci à vous d'être venu jusqu'ici, quoi. Ce périple jusqu'à la Belgique. Au fin fond de la campagne belge. C'est ça. Au plaisir de revenir te visiter en Belgique. Mais avec plaisir, vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. D'avoir écouté cet épisode de Coup de tête, le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt.